Chapitre 12e. Autour de Saïgon, la chasse. Tudomo, Mito, le Cap Saint-Jacques. Saïgon a droit à toutes les préférences, mais malgré les délices de la ville capitale, on serait impardonnable de négliger les routes d'eau si pratiques que tracent en tous sens les arroyos chevelus qui font la richesse et la commodité du delta du Mekong. Et encore faut-il se presser de faire vite ces petits voyages avant que l'inévitable apathie coloniale ne vienne mettre l'embargo sur toutes les bonnes volontés et faire échouer les parties que de plus courageux s'efforcent d'organiser. La chasse, presque toujours heureuse, décide souvent les plus inamovibles à courir la brousse et à abandonner pour quelques heures les chères habitudes. Et vraiment, le séjour plus ou moins prolongé en sampant n'a rien qui soit pour déplaire. Les boys ont soin de préparer les lits, voire les moustiquaires pour les délicats. Très à l'aise, dans ces larges bateaux plats, on glisse doucement, bercé par le rythme des rames et l'odeur de belles nuits rafraîchies par la brise du fleuve. Le voyage est organisé, calculé avec les marées de façon à toucher au terrain de chasse au matin. Chaque chasseur choisit son poste un peu au petit bonheur et les piqueurs anamites lancent les chiens qui ne tardent guère à mener. Dussé-je être accusé de tartarinade, je dois la vérité de dire qu'il est fort rare qu'on retourne au bateau sans traîner sur la clé quelques connaille, un cerf, conman, un chevreuil, ou conou, un chamois. Certaines régions de la Cochinchine, resserrées en petites îles, entre des bras de rivière assez importants pour gêner l'émigration de l'agent à poil, sont extrêmement giboyeuses à un point qu'on ne peut croire. Le cerf, que l'anamite ne poursuit guère, est parfois si peu craintif qu'il vient montrer ses bois et son long museau curieux tout au bord des mauvais sentiers bossués au passage criant et grinçant des charrettes à buffles du pays. Les chasseurs plus modestes laissent en paix le gros gibier et s'accommodent fort bien de la guerre aux coqs de bruyère ou aux bécassines dans les rizières. Le coq est assez rare autour de Saïgon, mais les bécassines foisonnent. Moins vives que leurs sœurs d'Europe, leurs crochets ne réussissent pas à les mettre à l'abri du plomb, et c'est par douzaines que les chasseurs à peu près habiles comptent leurs pièces au tableau. Le singe, le rat palmiste, sorte d'écureuil, le paon, sont des chasses d'amateurs qui trouvent leurs enthousiastes. Le tigre, malheureusement fréquent en Cochinchine, peut devenir un voisin dangereux, pour les chiens surtout. Il lui arrive d'en découdre devant les piqueurs, mais il fuit à l'approche de l'Européen. L'anamite, lui, est moins antipathique, et les statistiques enregistrent chaque année un certain nombre de victimes du royal animal. Il y a naturellement une spécialité de chasseur de tigres. Le danger de ce sport attire les audacieux, et la valeur de la dépouille allège les intéressés. Quelques fins tireurs attendent l'ennemi à l'affût avec des balles explosibles et abattent ainsi, au prix d'un sérieux danger, quelques-uns de ces fauves. Les pièges réussissent bien mieux et ont l'avantage de n'offrir aux chasseurs aucune espèce de péril. La fosse à la chèvre, par exemple, est une ruse originale. On creuse dans la forêt une fosse profonde garnie de pieux effilés, destinée à faire subir aux fauves imprudents le supplice du pal. La terre rejetée tout autour forme un glacis à pente douce du côté du bois, tandis que du côté de la fosse, le talus est rapide. Le trou béant est dissimulé au bas de la rampe intérieure du talus par une clé légère en branchage en feuillage suffisamment serré pour dissimuler l'artifice. Au-dessus et au centre de la fosse, à l'aide d'un chevalet imprimé ou mieux de la branche fléchie d'un arbre voisin, on suspend par les reins à cette espèce d'hameçon une jeune chèvre encore au lait qui ne tarde pas à pousser des appels déchirants. Le tigre, flairant bonne aventure de ce chevreau égaré loin des siens, et surtout loin de ses gardiens, s'approche du pauvre abandonné par le glacis à pente douce jusqu'au haut du talus. Mais la bête est placée de telle sorte que le tigre n'y peut goûter qu'en sautant même sur sa proie, et il saute si bien qu'il entraîne avec lui son innocent appât dans la chambre des supplices. À Saïgon, la chasse est pour le plus grand nombre un constant prétexte à promenade dans tous sens. Et au gré des marées, qui renversent deux fois par jour le cours de la rivière, on remonte le sens naturel du fleuve où l'on descend du côté de la mer. Tudomo est le terminus favori de ceux qui s'engagent dans le cours supérieur de la rivière de Saïgon, tandis que le Cap Saint-Jacques est la dernière attraction de ceux qui préfèrent le cours aval. Le port de Tudomo, à quelques heures de chaloupe au nord de Saïgon, mérite vraiment la faveur dont il jouit. gentiment étagée sur le flanc d'une colline, cette petite ville a déjà de l'allure. L'hôtel de l'administrateur, coquettement construit tout en haut du bourg, domine le fleuve et les immenses rizières de l'autre rive. Au grand dommage de la Cochinchine, la situation privilégiée de ce village grandissant ne se retrouve guère dans les autres postes. Aussi, le bienheureux Tudomo fait-il prime parmi tous les postulants aux emplois administratifs de l'intérieur. Ce petit pays est si gai, si riche. C'est un centre de marché fort important, et je me rappelle avec le plus grand plaisir les fêtes d'un récent concours agricole dans cette minuscule ville. Rien ne manquait, ni les écharpes, ni les discours, ni les médaillés, ni même les animaux gros et gras se disputant les prix. Nous eûmes courses, régates, jeux de mille sortes, balançoires, chevaux de bois, montagnes russes, etc., et le soir, promenade du dragon, sans lequel il n'y a pas de bonne réjouissance à Namite. La fête se termina dans une profusion de lampions, de fusées, de pétards du plus bruyant effet. Et tandis que de nombreux bateaux promenaient dans la large rivière leurs guirlandes de lanternes chinoises et japonaises, la retraite aux mille torches parcourt la ville au milieu d'un vacarme effroyable de cris, de tam-tam et de pièces d'artifice. Cet ensemble inaccoutumé de bruit et de feu constitue le plus haut degré de réjouissance publique auquel puisse atteindre la population annamite. Aussi, ce jour-là, m'en souvient-il, tout le monde fut enchanté de sa journée et de sa soirée, surtout peut-être les Européens. Mito, pour avancer dans les terres, sur le grand fleuve Mekong, est après Saigon-Cholon la ville importante de la Cochinchine française. Pour permettre un transit plus facile aux nombreuses richesses qui descendent du Haut-Mekong et des grands lacs poissonneux du Cambodge, on a réuni Mito à Saigon par un chemin de fer. Cette ligne, relativement courte, elle n'a que 70 km environ, a été d'une exécution longue, délicate et difficile à cause des affaissements renouvelés du terrain peu résistant qu'il traverse. Des travaux d'art d'une hardiesse ou d'une puissance remarquable sont égrenés sur la route et le voyage s'effectue à travers de grasses rivières, de larges arroyaux, des marais ou des bois de cocotiers et d'arequiers. On va à Mito en 3 heures, c'est un tout petit voyage, et il n'est pas un Européen de passage à Saigon qui ne soit allé voir le célèbre parc aux Caïmans. Dans un vaste vivier bien sale, grouillent les uns sur les autres une multitude de ces vilains animaux, noirâtres, vaseux, horribles. Rien n'est curieux comme le débit qui se fait de leur chair, et rien n'est barbare comme le genre d'amputation qu'on leur fait subir. À marée basse, on retire de la vase un de ces animaux, qu'on amarre solidement à un arbre, la tête en l'air, puis, avec un coupe-coupe, sorte de coutelas large et affilé, on lui enlève 1 mètre à 1,5 mètre de sa queue qui se vend par petits quartiers aux annamites très friands de cette huileuse nourriture. L'opération terminée, on détache le patient et on le rend au vivier où il plonge en laissant une longue traînée de sang. Il est alors respecté de ses bourreaux tout le temps que sa queue met à se reproduire, puis il subit un nouveau martyr et ainsi de suite. Ce genre de cueillette est très original et les annamites, avec la froide cruauté des orientaux, ont intelligemment exploité la curieuse propriété qu'ont ces animaux de pouvoir rétablir avec le temps une partie entamée de leur personne. Une promenade appréciée, quoique plus lointaine, est celle du Cap Saint-Jacques, pointe extrême sud de la presqu'île cochinchinoise dans la mer de Chine. C'est là que les Saigonais viennent respirer à plein poumon le grand air salé. Au pied de la montagne du phare, la baie des Cocotiers offre tous les agréments d'une station balnéaire moins extrême-orientale. La plage, semée d'un sable très fin, s'étend en pente douce sur plusieurs centaines de mètres. Un hôtel vaste et bien aménagé donne aux baigneurs l'hospitalité dans les meilleures conditions de confort. En tous sens, il y a de délicieuses excursions à faire. Soit que l'on gravisse le mont du phare, où le gardien fait avec une grâce charmante les honneurs de sa petite installation et de sa tour, qui porte les feux à 30 000 larges, soit au contraire qu'on visite les travaux de l'artillerie de marine qui édifie sur tout un flanc de montagne comme en de la mer des batteries puissamment garanties.